Here are those words and phrases again. Listen. Premier. First, the masculine form. Tout droit. Straight on. Deuxième. Second. À gauche. To the left. Première. First, the feminine form. Tourner. Turn. Cinquième. Fifth. Aller tout droit. Go straight on. Vous voyez? You see or do you see? Quatrième. Fourth. En sortant de. When you leave or go out of.